Troisième œuvre annoncée, Laisser sur les mœurs, expression raccourcie de Laisser sur les mœurs et l'esprit des nations. Voltaire, dans cette œuvre, complète le discours sur l'histoire universelle de Bossuet. C'est une histoire du monde de Charlemagne, où s'était arrêté Bossuet, à Louis XIV, sur laquelle Voltaire travailla plus de 25 ans. Elle parut à Genève en 1756 et Voltaire ne cessa d'y travailler jusqu'à sa mort en 1778.